CHA. Depuis que je n'ai plus de cash. Depuis que je n'ai plus de cash, tu vois, ma haine a grandi. Trop lâche dans l'ombre, parfois j'ai rêvé d'être bandit. Si je m'en sors, sache par le micro que j'ai brandi. Un pour tous, tous pour ce micro que j'ai brandi. Quand je regarde un de mes frangins, je vends lui la couleur de mon sang. Même veine, même artère. Pourtant, si méprisant la haine gonfle ses yeux, est-ce le choléra ou la rage de voir les autres bien? Maintenant, ne respecte que les plus sauvages, point gorgé. Bistouri en poche, ça c'est un vrai gars qui marche en boitant. Comme s'il avait une jambe de boîte, c'est dans la tête des petits. C'est plus comme avant, c'est plus la bourse ou la vie. On t'arrache les deux en même temps, c'est pour un regard. Moi, je sortirai jamais mon opinel. Tout ce que je peux sortir, c'est mon oiseau pour que je lapine elle. Je branche du côté des gars qui se battent que par le cerveau ou qui gagnent le combat. Grattera le plus de magot, ça me désole de les voir régner sur un trône d'épines. En étant sage, je veux faire la une des magazines sans Beretta. Par mes poèmes reflétant la réalité, mentalité pop, j'ai ses respects, fidélité. Depuis que je n'ai plus de cash, tu vois, ma haine a grandi. Trop lâche dans l'ombre, parfois j'ai rêvé d'être bandit. Si je m'en sors, sache, c'est par le micro que j'ai brandi. Un pour tous, tous pour ce micro que j'ai brandi. Depuis que je n'ai plus de cash, tu vois, ma haine a grandi. Trop lâche dans l'ombre, parfois j'ai rêvé d'être bandit. Si je m'en sors, sache, c'est par le micro que j'ai brandi. Un pour tous, tous pour ce micro que j'ai brandi. Adolescent, je voulais être le plus fort de ma classe. Par les points de 1-10, pas ceux avec lesquels on tabasse. C'est qu'en frappant, sans faire exprès, je peux crever un œil ou faire déplacer mes parents. Pour ma journée de deuil, tu sais que j'ai pas envie de ça, toi non plus, je pense, garçon. Alors, pourquoi vouloir verser du sang sur ton bouson? Je suis écrivain, et c'est par ça que je veux me sortir de la masse. Je veux bien faire un chaos, mais en posant mes mots sur une base, je veux conquérir. Même si mes yeux sont plus gros que mon estomac et dévorer le monde en croyant que ce que je vois, comme Thomas, le temps j'apprenais à grandir. Par mon frère me manque, on vit dans une époque, quand j'y retourne, tout le monde te tire la langue. Plus le temps passe. Et puis la franchise s'évapore. Et rares sont les gens qui ont encore un cœur couleur or. On a tous peur d'être trop gentils. Trop gentils, trop cons. C'est pour ça que dehors, les gens sont enfermés dans leur cocon. Depuis je n'ai plus de cash, tu vois, ma haine a grandi. Trop lâche dans l'ombre, parfois j'ai rêvé d'être bandit. Si je m'en sors sage, c'est par le micro que j'ai brandi. Un pour tous, tous pour ce micro que j'ai brandi. Depuis je n'ai plus de cash, tu vois, ma haine a grandi. Trop lâche dans l'ombre, parfois j'ai rêvé d'être bandit. Si je m'en sors sage, c'est par le micro que j'ai brandi. Un pour tous, tous pour ce micro que j'ai brandi. Ça commence toujours pour un combat de regard dans le métro, matelot trans disant putain, ce gars-là, il se la raconte trop. Les yeux ont fait comprendre qu'on aimerait s'arranger dehors, le ruer de coups et rebondir sur sa tête comme un ressort. Heureusement pour lui, un trio de CRS qui rote. C'est dommage, j'aurais bien donné un super coup de genou dans le ventre. C'est que partir mise, ça fait chier, mais bon, va avec ça la prochaine fois. Je parle direct pour qu'on puisse régler ça, tu sais quoi. Deux jours après, je leur vois sourire en coin. Lui et ses copains ont pensé pouvoir me serrer dans un coin raté. Dommage, j'avais ma super bonbonne lacrymogène, sourire de canaille. J'ai pressé, rien ne sort dans l'oxygène. Elle était vide, il me restait plus que mes jambes pour courir. Souvent pour ça, Paris. On a vu des gars mourir, la suite je sais pas. C'est une histoire que je viens à peine d'inventer. Mais autour de toi, chaque jour ça se passe à proximité. Depuis que je n'ai plus de cash, tu vois, ma haine a grandi. Trop lâche dans l'ombre, parfois j'ai rêvé d'être bandit. Si je m'en sors sage, c'est par le micro que j'ai brandi. Un pour tous, tous pour ce micro que j'ai brandi. Depuis que je n'ai plus de cash, tu vois, ma haine a grandi. Trop lâche dans l'ombre, parfois j'ai rêvé d'être bandit. Si je m'en sors sage, c'est par le micro que j'ai brandi. Un pour tous, tous pour ce micro que j'ai brandi.